Une petite charade pour commencer. Mon premier est la cuisson des patates préférée par les enfants. Mon second gambade dans les cheveux. Mon troisième est une paire d'aînés. Mon tout désigne tantôt un gamin audacieux, tantôt une crapule endurcie. Sur ce, nous commençons. Dieu qui sait ce tait, Dieu qui est rigole, roi, dis-moi qui s'y colle. Chaudière, tu as en tête, ou plutôt subsiste sur la visière que tu n'as plus devant tes yeux, simplement dans un souvenir, un halo qui flotte encore entre toi et le bouquet de fleurs que tu tiens dans tes mains et que tenait auparavant la Gaude ou Marie, tu ne sais plus. Sur cette visière, tu vois dans son œil torve que lui ruminait que la cogitation d'un monde presque mort. Mais ce n'était pas l'œil de la Gaude telle que tu l'as vu effrayée alors que son corps vibrait à l'unisson de la terre, des racines qui semblaient bruire comme sous un vent surgit dans ses eaux pour souffler dans cette forêt du dessous. Tu n'as plus la visière, tu n'as plus le casque, tu n'es plus dans cette chaleur moite que dispense l'air artificiel des combinaisons en usage à bord de ta nef. Tu te souviens des pierres, des petits cailloux, des projections, des billes qui avaient une couleur, mais elles ont perdu cette couleur, y compris dans ton souvenir. Tu sens confusément qu'elles avaient une couleur, mais tu ne parviens plus à te souvenir. Tu sais que sur cette planète, le sol est rouge. C'est ce que tu avais entendu au fond du couloir. Et pourtant, la couleur rouge a disparu dans ton souvenir. Tout est gris, sombre, comme sous cette terre, comme sous ce ciel de la forêt du dessous. L'obscurité t'a gagné comme elle a gagné l'ensemble de l'équipée. Et dans la pénombre, tu distingues les silhouettes qui formaient une ronde quelques instants auparavant. Mais cette ronde disparaît sur l'image persistante de ces billes qui ne sont pas des billes, de ces cailloux qui ne sont pas des cailloux, qui sont peut-être la trace de l'eau, ou qui sont les restes, les pleurs de Marie dans sa combinaison. Marie qui se tenait dans l'obscurité de la pièce voisine, dans le noir profond, les ténèbres debout de la forêt du dessous, regard triste et vide, les yeux noirs, les pupilles dilatées. Par un chagrin, une peine incommensurable. Et ça t'échappe encore. Ces billes renvoyaient à autre chose. Ce que tu as vu fugitivement. L'ombre des noix que vous a offert Alphonse. Ces billes étaient les noix, ou les noix étaient les billes, ou les cailloux. Mais là, tu n'as plus que l'image. L'image de Marie Lagaude dans l'obscurité de la pièce voisine. Et toi qui flottes, qui tends la main vers elle, qui t'approche d'elle, mais qui ne peut franchir l'espace noir, sombre, obscur qui vous sépare, comme si elle était encore sur cette terre rouge alors qu'elle est dans la forêt du dessous. Merdi, tu as vu plonger Marie dans la rivière, dans l'eau qui vous baigne maintenant. Tu l'as suivie et tu as entraîné à ta suite. Tu as tendu la main pour la retenir, mais tu vois dans le halo projeté de soleil mourant, un soleil gris, un soleil blanc, un soleil qui a perdu toutes les couleurs, le jaune des fleurs a disparu. Il est tout entier contenu dans le choc du corps sous les eaux turbides de la forêt du dessous. Et tu plonges cœur perdu. Tu as tendu la main vers qui? Je ne sais plus. Tu as oublié? Tu as oublié, c'était Samaël vers lequel tu as tendu la main. Tu entends les petits cris, tu entends des cris, des cris de gens, de gens, mais de gens que tu ne connais pas. Tends la main toi aussi pour te tenir au chambranle de la porte qui plonge béant vers cet océan noir de nuit, cette nuit, ce gouffre infini vers lequel vous plongez au-dedans de la forêt du dessous. Ta main a touché le chambranle, sombre, gris, granuleux, silicieux de la porte blanche. Vers qui as-tu tendu la main? Avant, je tendais la main au lémur. C'est pas le lémur dont tu tiens la main. Ta main gauche enserre fermement celle de Smerdi, le grand gaillard. Et ton autre main? Quelle main étreint-elle? Tiens donc une main non celle du lémur. Ce n'est pas la main, c'est le pied que tu as tenté de retenir. Et de pied, tu as saisi la cheville de Smerdi, qui s'agite, qui nage dans cet océan de nuit. Ton autre main tient fermement une autre main. Une autre main qui te diffuse sa chaleur. Mais ce n'est pas celle de la petite créature velue que tu as aperçue dans le couloir. C'est une main charnue, épaisse, qui ne broie pas, mais tient fermement ta main et tente de te tirer vers lui. C'est la main d'Alphonse et tu vois sa barbe flotter dans l'air, dans l'eau, dans ce liquide dans lequel vous laissez échapper des bulles, mais vous respirez pleinement comme si ce liquide vous baignait de vie. Alphonse t'attire, t'éloigne de tes amis, mais ceux-ci plongent, et autour de vous flotte seule source lumineuse, d'étranges formes bleutées, comme des méduses qui erraient dans cette terre forestière. Car vous sentez l'humus, vous êtes dans l'eau, mais vous sentez l'humus. L'humus, la forêt pourrissante et en même temps la chaleur sèche et aseptisée d'un habitacle, les pneumatiques. Constante, ok. Il y a du vent. Quelques grains de sable qui volent. Et dans l'ensemble, tout est ok. Ici Frank Meyer, capitaine du vaisseau Velasquez. Je vais poser mon pied sur le sol martien pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et tout ça est distant, ouaté. C'est comme un souvenir. C'est comme bord Marie Alonso du vaisseau Velasquez à Capcom 4. Qui entend à la fois un passé où peut-être se réécrit-il à mesure que tu le vis. Marie Alonso était-elle médecin à bord? Oui, Walter, ici Marie. Qu'est-ce que vous aviez fait avec Walter et Marie? Que s'est-il passé sur la planète rouge? T'en souviens-tu? Avançons pour le moment vers ce qui semble être... Non, il me faut recouvrer la mémoire. Et comment pourrais-tu recouvrer la mémoire alors que tu flottes dans ce paysage à queue, empli d'étranges méduses qui flottent autour de vous en lieu et place des arbres que pourtant vous sentez auprès de vous, dont vous sentez les fragrances portées par la brise des bois du dessous. Je n'en sais rien, c'est justement ce qu'il me faut en savoir. N'aurais-tu pas en toi, sur toi, avec toi, quelque chose qui te permettrait de rejoindre plus vite Marie qui a disparu dans les eaux dans sa combinaison, ou de refaire surface et émerger dans le couloir ou dans la station? Quelque chose qui te lirait à tout cela? Je n'ai malheureusement rien. Tu as donc oublié ce bouquet de fleurs Et c'est de la triche, je ne l'ai pas noté aussi. Tu as donc oublié ce bouquet de fleurs. Et quelle couleur avait-il? Le sais-tu, toi, Samaël? Il était jaune, je crois. Il était jaune ou était-il rouge? Rouge, rouge, rouge. Comme les cocos. Auréolé de rouge comme la silhouette de Marie qui se profilait dans l'embrasure de la porte blanche. Les couleurs à la base, elles étaient pas rouges. Alors, était-ce bleu ? Non. Smerdi ? Rouge. Rouge. Rouge comme le sang ? Le sang qui serait... Rouge comme le soleil. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Le pas rouge, le soleil. Le rouge du soleil éteint ? Le rouge de ce même soleil. Le rouge du soleil éteint. Capitaine, le capitaine vient de tomber dans le sol s'est dérobé sous ses pieds. Capitaine, est-ce que vous m'entendez? Water, n'avance plus, Water. Capitaine, est-ce que vous m'entendez? Water. Vincent, qu'est-ce qui se passe? Water, c'est le sol, Marie. Capitaine. Quel est ton nom? Vincent? Je ne sais pas. Mathieu? On se prépare à tout. On croit qu'on est préparé à tout. Des spécialistes, des consultants, des machines et des calculs de plus en plus perfectionnés. Et soudain, c'est le sol qui se dérobe sous nos pieds comme pour nous dire qu'on n'est pas chez nous. Comme pour nous dire qu'on est loin. Il faut rester calme. C'est notre seule arme ici, rester calme et froid devant toutes les situations. Il faut penser le plus vite possible. Laisser remonter en soi, mécaniquement, qu'avez-vous fait sur la planète rouge? Je suppose que vous allez faire des prélèvements. Capitaine ne répond pas, je répète, le capitaine ne répond pas, il faut aller le chercher. Elisa, on se prépare à une sortie d'urgence. Comment se fait-il, si tu étais le capitaine, que tu te souviens parfaitement de leur conversation, alors qu'ils ne t'avaient plus en liaison? Elisa. Capitaine, si vous nous entendez, restez calme. Vincent, tu sais nous pourquoi? Nous allons suivre la procédure et venir vous chercher. Bah c'est si. Hé, bah Vincent, Vincent. N'oubliez pas qu'il sait aussi ce qu'on va faire dans ces cas-là. Et là, à côté de toi se tient un homme barbu. Est-ce que le terrain va nous permettre d'avancer au bord de la crevasse? Torse-poil avec un vieux pantalon des surplus de l'armée en nage. Hé, hey, tu rêves là? Mais je m'appelle Samuel, pas Vincent. C'est une nouvelle blague. En attendant, t'as pas bossé, hein? Qui va préparer le matériel? Le matériel d'exploration? 5, 4, 3, 2, 1. Ouverture. Tu es dans ta combinaison. Vous êtes dans votre combinaison. Nous avons tous les capteurs, ok. Hans. Continue la mission et félicitations. C'est un grand moment pour nous. Hans n'est pas mon nom. Terminé. Pourtant, tu es en vue du vaisseau Velasquez. Alors, quel est ton nom? Serait-ce Vincent? Non. Matwis? Qu'est-ce qui a interrompu la communication? Les enfants, c'est... Comment se fait-il que tu entendes les communications interrompues? Je suis Nicolas, il y a son logique. Il ne pouvait plus m'entendre. Et moi aussi. Donc, l'antenne d'émission est cassée par celle de réception. Le soleil rouge, il coupait les communications. Il l'aurait coupé seul aux oreilles des auditeurs. Mais des auditeurs qu'il n'aime pas. À qui il a insufflé sa couleur rouge. La phase de rotation suivante aurait permis de rétablir les communications? Oui. Sorti avec le professeur Lucas et l'ingénieur Vincent. devait coloniser Mars, afin de préparer le sauvetage de l'humanité en colonisant Mars car la Terre devenait inhabitable. Comme ça, on pouvait réitérer ce schéma sur d'autres planètes, ou astres en général. Et comment entends-tu encore, alors que tu es mort, Frank Meyer? Étais-tu bien Frank Meyer? Je ne suis pas Frank Meyer, c'est logique. Je ne peux pas entendre Frank Meyer si je suis Frank Meyer. Es-tu Mais bien enfin... mort? Et de quoi est-il mort? Mais enfin, tu sais, mon brave, que lorsque l'on meurt, on revoit sa vie et l'on rentre dans ses actes. C'est l'une des théories possibles. On ne sait toujours pas ce qu'est de la matière ou l'énergie noire. Je compose pourtant une grande partie de mon mur. Et toi, l'enseigne Vincent? Vincent! Qu'est-ce que t'as trafiqué sur ce vaisseau? Rien. Toi qui n'es pas Franck, qui n'est pas Meyer, qui est Choubdia, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez donné comme contre-vérité à la Terre? Dans quel but? On n'a rien fait. Dans le but que la Terre ne commence pas à Mars. Mais à quoi bon alors? Enfin, c'est bien clair. Comme les légions rouges là-bas, sur la... On ne veut pas que de nouveau les dictatures sévissent alors que notre... notre monde déjà se meurt. Nous ne voulons pas perpétrer l'erreur. Nous ne voulons pas propager l'erreur qu'est la vie. L'erreur qu'est la vie ou... L'erreur que sont les humains. Ou les erreurs que commettent les hommes sur la Terre. Peut-être est-ce le moyen d'envoyer un message ou... L'erreur... Si la Terre... Peut-être est-ce cela que voulait Marie. Que la Terre, par la disparition du capitaine, craigne une entité. Une entité... inconnue, une entité extraterrestre qui puisse enjoindre les autorités, toutes les autorités, à collaborer. Peut-être est-ce là? C'est la théorie la plus plausible. Non. Étiez-vous seul sur cette terre? Est-ce une terre? La vie s'était-elle installée? Pourquoi Marie Lagaude portait une combinaison et un bouquet de fleurs dans la forêt du dessous? Je l'ignore. Quels seraient les motifs qu'est-ce qui aurait conduit à ce que l'on perde effectivement le capitaine Velasquez, du vaisseau Velasquez, pardon. Sa propre mort, un souci au niveau de... Une avarie technique? En effet. Surtout qu'on l'avait prévu à l'avant. Mais justement, vous, membre d'équipage, vous aviez prévu de simuler une panne. Comment se fait-il que le capitaine, alors, de la première sortie, disparaisse? Et pourquoi avoir éliminé le capitaine? Car c'est lui qui l'a tout coordonné. Il leur était vendu. À moins que ce soit justement l'incident d'avarie qui soit la disparition du capitaine. Oh, ouais, c'est... Tu connais tout comme moi la vérité. Prévu par le capitaine afin d'entraîner ses subalternes à une avarie de sans... type sa mort. On était sans... Tout le fait qu'il entende, car il n'est pas mort. On est déclaré comme mort. On était sans. On était censé. Tu peux manger une noix. Bon, manifestement, on n'aura plus de noix. On se passera des noix la prochaine fois. On repassera aux noisettes. Ouais, noisettes. Ouais. Ouais, on vive à l'arrêt de la liberté. Ouais, je crois qu'il s'amuse avec nos bâtons. Bref. Radio 2. Vous êtes toujours les uns et les autres baignés de ce sentiment d'irréalité. Et le temps qui, jusqu'à présent, s'était distendu, semblait filer de façon anarchique vers un passé ou un futur, vous ne savez trop. Un passé, puisqu'il est question de mort. Et peut-être d'une disparition, la disparition de la perspective que l'homme ne soit pas condamné à errer sur des plages désertes. L'homme est désormais errant sous un soleil borgne. Peut-être que les errants étaient venus puis repartis comme des crabes ou des esprits. Ils ont laissé leur cœur nucléaire sur nos plages, comme simple poème, comme témoignage. Il faut se souvenir d'eux, car ils s'oubliaient eux-mêmes. Vous avez rencontré quelque chose? Qu'avez-vous rencontré sur cette planète? Était-ce rouge ou était-ce le bleu que vous voyez dans cet astre que vous contemplez depuis votre habitacle? Vous savez, le Velasquez condamné. La Terre a décidé d'éliminer le problème, s'est coalisé. La chose que nous avons vue était bleue. C'était la Terre bleue. Il craignait les lumières, il craignait les pluies, il craignait les rêves qui se ramifiaient. Cette région pleine d'argile, des accros à la terre, des humanités d'hommes en désuétude. Samaël, tu es à nouveau dans le noir. Un noir moins profond. Un noir où tu n'es pas baigné dans ce liquide qui n'est pas liquide. Cette plage qui n'est pas plage. Et là, l'humus est sous tes pieds. L'humus est devant toi, autour de toi. Tu sens à nouveau les arbres. Ils parlent autour de toi. Ils parlent de leurs feuilles, ils bruissent ensemble une vaste communauté, un conclave habité. Tu ressens les arbres pour leur ancienneté, pour la communauté qu'ils forment. Ces arbres de la mère nature, ces arbres, sont-ils les errants de la voix qui s'égrenait lorsque vous baigniez dans la moiteur de l'habitacle dans votre vaisseau Velasquez ou dans vos combinaisons en sortie, le sas dépressurisé. Choudia, Smerdi, vous êtes dans cette forêt avec votre ami. Qu'y a-t-il d'autre avec vous? Il est une présence. Vous peinez à la définir. Outre les arbres dont vous ressentez la présence, une présence antique. Le lémur. Est-ce le lémur qui serait parmi vous? Il bruisse, il couine, il babille, il s'agite. C'est forcément lui. C'est le chat qui vient interrompre les séances. Et pourquoi serait-ce lui? Pourquoi serait-ce lui, Smerdi? Car c'est lui qui est venu nous troubler il y a peu. C'est lui qui est venu nous injurier, nous comparer à aux voleurs. Aux voleuses, comme il disait. Et pourtant, il n'a forcément pas plongé avec vous. Il n'a pas plongé à perte de rêve pour remonter le fleuve de l'oubli. Il l'aurait fait pour nous happer, car son appétit insatiable ne peut se contenter de quelques cadavres. Il lui en faut plus, toujours plus. De la charogne fraîche et que ça saute. Ainsi pour toi, cette petite bête serait... mauvaise. Ainsi fait. Non, tu fais pas ainsi fond. Dites-le. Non. Tu souhaiterais que ton jeune ami soit avec toi, ou souhaiterais-tu que ton ami de toujours, Pâquerette qui a disparu et qui t'a abandonné seul dans ce bois, reparaisse. Reparaisse, Pâquerette. Vous avez chacun un élément de cut-up, vous avez chacun un désir pour que celui-ci soit exaucé. Pour que votre conviction s'impose, il faut que cet élément se réalise. Vous êtes dans la forêt, tous les trois. Et pourtant, il y a une présence autre. Vous devez manger... Chacun une. L'un de vous se dévoue. Il vous reste donc à ce stade 4 noix. 5 noix. Vous êtes 3 et... vous avez le sentiment, la certitude, que dis-je, de ne pas être seul perdu dans ce bois sombre. Ce bois dépeuplé, sinon des arbres. Il n'y a pas d'insectes qui bruissent. Les feuilles des arbres semblent grouiller. Elles s'agitent frénétiques. Aussi, dans l'absence de vent, tout est humide. Et L'odeur de charogne que tu évoquais, Smerdi, est présente autour de vous. Pourtant, il n'y a pas de cadavre, juste de la boue. Une trouée, un vieux chemin, une sente oubliée qui perce la vallée où vous vous trouvez. Un chemin qui mène bien quelque part et une présence. Dans le fossé, vous entendez un bruit. La présence s'affirme. Et juste devant toi, Samael, tu vois une créature toute souffle, contrefaite, avec de multiples articulations, de la chitine partout et en même temps un aspect souple à cette carapace, comme si elle était rebondie et joviale, et de grands yeux pédonculés. Jeune gamin, aurais-tu quelque chose à me donner à manger ? Il en reste peu. Et à quoi servirait ton pied mère, te souviens-tu? C'est celui qui permettra de fonder une nouvelle communauté où toi et Pâquerette pourraient vous épanouir. Ne voulais-tu pas... Je voulais planter mon noyau. Tu dois, dans cette scène, mentir. Xavier. D'accord. Tu as un crapaud, mais le crapaud est pustuleux, ce n'est pas goûteux. Que racontes-tu là? Ne serais-tu pas en train de nous mentir? Et toi, Smerdi, le puant, aurais-tu quelque chose à m'offrir? Je te refuse la seule appellation du puant. Là n'est pas ton droit. Comme tu me fais offense, je réclame réparation. Mais je ne voulais pas t'offenser, Maro. Je voulais juste savoir si tu avais quelque chose à grignoter, car j'ai grand faim. J'aurais pu, comme tu me le proposes... Un petit souvenir dont tu pourrais te départir. Je ne peux me départir d'aucun souvenir face à quelqu'un qui m'offense. Loin de moi l'idée de t'offenser au tout début. Alors peut-être toi, grand seigneur Choubdia, pourrais-tu... me sustenter d'un petit souvenir, et si je te crafougnatise, parce que je suis crafougna et j'ai quand même été appelé par toi, grand maître, je te le rappelle, c'est toi qui as prononcé mon nom dans le conclave de la ronde. Crafougna, et me voilà. Mais ce n'est pas un crafougna offensant que je veux. Ce n'est pas quelqu'un qui me demande réparation alors qu'il me fait offense. Soit, j'ai quelque chose à te donner. Une bessie d'orage. Maintenant, tu y trouveras ce dont tu as besoin. Et qui trouverai-je? Je n'en ai pas le moins donné. Tu le sauras en l'apprenant. Un crapaud. Et en acceptant... Je trouverai un crapaud. Non. À l'intérieur de la vessie d'Auroch. Non, tu ne trouveras pas. Tu as une imagination fertile. M'autorises-tu à pointer de mon tentacule? Non. De l'un de mes tentacules, ton petit nez pour y aspirer quelques sources de souvenirs? Car tu dois être très fécond en souvenirs. Non. Non, mais je peux te confier de quoi le faire fermenter le tien. Justement, cette vessie d'Auroch te permettra de le faire fermenter, comme il a pu le faire chez notre cher Samael. Alors, de sa bouche édentée, il ouvre... Je lui file la vessie d'Aura. Démesurement sa bouche et la vessie que tu jettes disparaît dans sa gueule béante et plonge dans la nuit de la forêt du dessous. Tu peux bien évidemment gommer sur ta feuille d'inventaire. Et en fait, papa, on a 6. Il y en a une qui a été cachée derrière le... Non, c'est celle que t'as mangée. Donc il y en avait 6. T'as mal compté. Oui, on en a mangé 2, t'en as mangé 8. Il y en avait 9 à la base, il y en a 6. Non, il y en avait 8. Nanana, vous m'avez truandé d'une. Mais ça, c'est un morceau. T'as pas tout mangé. Arnaqueur. C'est lui l'arnaqueur, pas moi. Je mange pas les rogatons de mes fils. Le Crafounia a disparu. Ou vous avez disparu dans sa gueule béante. Peut-être que Smerdi avait raison. Peut-être que sa faim était immense. Et que vous avez terminé au fond de son estomac. Vous avez senti tour à tour un flottement, un sentiment d'irréalité bercé entre les eaux indistinctes de rêves contradictoires, de plongée dans un passé lointain ou un futur proche, à bord du vaisseau Velasquez ou plongé dans les forêts du dessous, dans les ténèbres d'une eau d'humus, d'eau noire parcourue d'immenses formes gélatineuses bleutées. Peut-être que le soleil n'était pas rouge mais bleu. Peut-être que ces méduses étaient en fait les soleils de la forêt du dessous. Mais là, vous voyez poindre indistinct au-dessus des arbres innombrables qui vous barrent votre champ de vision. Au-delà de la cime de ceci, des premières couleurs, la couleur bleue, comme celle évoquée tantôt chez les méduses. Une couleur bleue éteinte, un bleu acier comme celui des véhicules qui ont parcouru le sol de Mars. Le sol est constellé de petites fleurs blanches, jaunes, qui semblent errer sur l'amas sombre et noirâtre qui constitue le sol dans lequel la forêt plonge ses racines. Un parfum envahit l'air. Vous semblez parcouru de courants magnétiques électriques comme une fièvre qui étreint vos corps. Et la faim que tu prêtais au Crafounia, vous l'éprouvez, vous avez faim. Vous avez faim, mais il n'y a que ces fleurs laiteuses qui semblent flotter sur le sol. Il n'y a que ces fleurs laiteuses qui semblent pousser sur ces étranges pommiers dépigmentés qui vous barrent la vue. Vous avez faim, qu'allez-vous manger? Comment oublier cette faim qui vous tord les boyaux? Pouvez-vous vous nourrir de souvenirs comme le Krafunia? Peux-tu krafuniatiser ces fleurs? Souhaites-tu krafuniatiser une fleur? Vous ne pouvez krafuniatiser les fleurs, mais vous avisez devant vous une masse jaune. C'est pas vraiment jaune, c'est bilieux. Ça a une vague couleur de crotte. Ça semble. Ça suinte comme le corps du Krafunia. Où résoudrez-vous à assouvir votre faim de ces larves qui grouillent sur le sol entre les fleurs qui flottent? Non, je m'y refuse. Pareil. Je me dis que c'est qu'une charogne et que nous finirons de la même façon. Et dans un souffle, je les incite à faire de même. Je prends une feuille, je la balance sur la larve. Coupe de tout ce qu'elle est. Il ne nous faut là opérer succion de ces larves à leur terre. Il ne faut pas d'effectuer une succion. Il ne nous faut réveiller. Il ne nous faut pas se nuer en un Krafunia, il faut garder en tête vérité. Je prends une feuille et je la lance sur la larve. Et pourquoi faire? Pour m'amuser. Alors que nous apprêtons à les manger? Bah, faut pas le manger. Vous renoncez donc à assouvir votre faim? Ah non, moi je dis que je l'assaut. Alors, nous finirons dans le même état. Pourquoi s'en priver? Pour éviter de se muer en un Krafunia et perdre là tout sens. Dans la forêt du dessous, alors que tu manges l'une de ces larmes, tu la manges? Non, tu gardes tes figues. C'est pas des figues, c'est vraiment des larves. Non, c'est des figues. Ah, je m'en fiche. Tu les manges. Mon personnage, c'est pas moi. Sans façon. Alors que tu manges l'une de ces figues, Choubia, tu entends retentir le cri du corbeau. Le corbeau qui vous avait épié et qui, selon Smerdi, était le séide du prince des bois. Es-tu encore habité par cette conviction? Le fait de croiser un corbeau dans la forêt du dessous veut dire que vous seriez retombé sous la coupe de celui-ci? Oui. Oui. La faim vous habite toujours, car vous n'êtes parvenu à la satisfaire pleinement, sinon Choubdia. Tu as la conviction donc que vous vous trouvez à nouveau épié par les séides du prince du bois et tu sens à nouveau une présence une présence différente de celle qui s'était révélée à toi lorsque le Krafunia s'est révélé à vous. Vous poursuivez à l'ombre des arbres blancs et sur le tapis de feuilles et de fleurs flottantes. Tu entends, portée par le vent, la voix déformée du prince du bois ou de son séide, le corbeau ou le corneille, mais ce n'est pas le croassement que tu entends, c'est pas son croassement, non. C'est une vague ancienne. Quelques mots, quelques bribes de souvenirs portés par le vent. Laissés dans ces terres d'oubli que sont les forêts du dessous. Tout est délicieux à celui qui a faim. Rien n'est laid à celui qui aime. Vous arrivez maintenant en vue d'un arbre un peu plus grand que les autres. Il est immense. Aussi grand que celui qui abritait les sœurs tisseuses. Mais il est fait de la même matière noire rugueuse que ceux sous lesquels vous avez marché jusqu'à présent. Il est immense, mais c'est un arbre creux. Au pied de ses racines noueuses s'ouvre béante une bouche avide d'obscurité qui semble sourdre, surgir au-dedans de l'arbre et plus profondément encore dans les terres du dessous. Sur l'une des basses branches pend une silhouette, un corps qui se balance dans le vent, qui s'est mis à souffler sur les feuilles qui n'en sont pas, sur les fleurs à peine écloses, des boutons qui grelottent sous le vent. Des fleurs grises, bleutées, comme cassées, comme si elles avaient été saisies par le gel et que leur couleur n'était pas éclose. Derrière l'arbre se profile l'astre que vous contempliez depuis votre vaisseau, le Velasquez. Mais devant vous, dans les sillons laissés par le rover du Velasquez, une multitude de ces fleurs dont la couleur n'a pas éclose. Il y a donc un pont tendu dans l'arbre, un creux que forment ses racines et une immensité qui atteint le ciel où se meurt le soleil sans vie déserté de couleurs. Et toujours tu entends Smerdi, tu entends Samael, ce que Smerdi entend, ce que Samael entend, Shubial entend. Vous entendez donc l'ancienne portée par le vent le vent qui fait bruire les grelots des fleurs qui n'ont pas éclos. Une bonne âme pour tirer un dé. Vous avez ressenti la faim, vous avez ressenti l'égarement. Vous étiez perdu dans un éternel présent et un futur certain, confronté à un passé mouvant. Le Velasquez a-t-il atteint la planète ? La terre s'est-elle éteinte ? La forêt du dessous semble se refermer sur vous. Vous sentez confusément qu'il vous faut sortir de celle-ci. Pour sortir, il y a de multiples solutions. Ce sont celles que l'esprit dérobera à l'oubli. C'est le chemin de la réminiscence. Il faut que vous trouviez la perle cachée dans chacune des alcôves que recèle cet arbre mémoriel perdu dans le soleil mourant. Car le soleil bientôt s'éteindra et avec lui la vie. Samael, tu es maintenant et sans autre forme de procès tout près de la silhouette que tu avais entreaperçue en t'approchant au milieu des fleurs sans couleur. Mais là, ce qui est près de toi, c'est un homme, le reste d'un homme, pendu à la basse branche. Il oscille sous le vent qui fait cliqueter les fleurs. Et toi, tu es assis sur cette branche, et à côté de toi, une autre corde est attachée à celle-ci. Il y a un nœud. Un nœud formé, un nœud coulant. Celui qui entoure le cou du supplicié. Tu es creux de l'arbre, mais cette béance que tu voyais au loin dans la plaine sans lumière est ici différente. dans l'humus et les clapotis qui baignent les racines vieilles de l'arbre, des tentacules de chair putréfiée se tendent vers toi avidement frémissantes. Je te fais pied pour leur faire, pour leur signifier que non. Quand tu approches le pied de ces tentacules, elles se rétractent et une espèce de bave émerge de la colonne centrale qui entoure les tentacules. La bave vient lécher ton pied et les chairs grésillent sous tes vêtements au contact de l'acide qu'il vient de projeter. Choudia, ouais, et Smerdi. Merdi, tu es sur l'une des branches de cet arbre. Tu ne sais pas comment tu y es grimpé, mais tu sens que le temps de la fin approche. Bientôt le temps finira. En vérité, je vous le dis, bientôt le temps finira. Celui des hommes, celui de tous les êtres vivants, tu le sais, et pourtant tu sais qu'il y a une échappatoire à côté de toi, où les hommes connaîtront l'enfer sur terre, où les autres juchés sur une branche, une immense chauve-souris incapable de se souvenir, se tient. Elle a de petits yeux ronds comme ceux du lémur. Elle a le même visage avenant que Ami, le lémur que vous aviez rencontré plus tôt. Et sur ce lit de vie grouillante poussera la forêt. Et pour les hommes ne restera plus de place que dans les ténèbres sous les arbres. Samael, que fais-tu ? Survivra à la chute. Son esprit chutera encore à l'intérieur de lui-même. Sa mémoire, comme une Babylone spirituelle, s'effondrera sous le poids de sa démesure. Il oubliera tout ce qui lui était cher, l'odeur de l'amandier et le rire de son enfant. Mais il oubliera aussi ses péchés. Car après la chute, Choudia, que fais-tu ? Le Dieu n'aura de cesse que de tourmenter les yeux. En voyant la bave, je retraque mon pied et je sens. Tu l'as évoqué plus tôt, mais on est censé trouver une sphère perle, appelle ça comme tu veux. Rouge, mais y a-t-elle une pièce ? Tu es dans l'arbre, mais tu vois le cœur de tentacules qui palpite comme s'il allait former un nouveau jet de cette bave qui a commencé à corroder tes chairs. Je peux taper une nouvelle fois avant qu'il ait le temps de... Et tu vois que oui, ça se distance, ça a pris une taille immense. Où toi tu es devenu si petit, si maigre, mais tu vois cette forme palpiter, ces tentacules s'allonger, pour le mettre à l'épreuve, et elles sont des générations précédentes, irriguées par la même couleur que celle de Marie, lorsqu'elle t'a tendu la fleur. Est-ce que j'ai encore les fleurs de Marie ? Elles sont là au cœur de la fleur. C'est une fleur immense qui palpite vers toi. C'était pour lui donner la fleur que Marie m'avait donnée. Le monde ici-bas sera soumis aux impitoyables lois du changement. Tu peux te fondre dans la chose, car c'est une fleur. Bah, je la personne qu'on croit t'aimer, tu le fais. Ni le monde qu'on croit connaître. Tu es à côté du pendu. Que fais-tu, mon ami? Il y a une corde à côté de toi, avec un nœud coulant. Les choses ont une forme. Un temps, elles retournent au milieu. Tu sens que le temps va s'achever, le temps des hommes s'achève. Et l'homme sera lui aussi. Tu sens que si tu restes là, à ne rien faire, tu te trouveras jamais emprisonné dans ce monde sans fin, ce monde sans temps, ce monde hors du temps. Que l'homme croit acquérir la force et son âme. Je me saisis seront les temples profanes de la vermine et du lion. De l'espèce de lémure souriant. Leurs visages porteront la laideur. Elle a ta taille. Elle est aussi grande que toi. Elle s'approche. De Dieu à ses enfants de un baiser me donneras-tu? La biche morte de la bergère. Alors qu'elle ne me voit pas. La forêt et à d'autres corps de chien. Le veau gras je sera lui sera une autre à asticot. Et la terre que s'éventera pour mettre. Pourquoi es-tu là? S'il est la fin des temps. Pour que la vie subsiste, donne-moi un baiser et je te permettrai d'échapper à celle-ci. Qu'est-ce que tu me chantes là? Si tu me donnes ce baiser, j'aurai l'énergie de te porter sur mes ailes et ensemble nous éloignerons, nous percerons la nuit et rejoindrons les terres de Cachel. Ne crains-tu pas de finir comme Ika? Le soleil mourra avant que mes ailes ne cèdent. Si tu me donnes ce baiser, tu me donnes ton énergie et ta jeunesse. Et avec ta sève, j'atteindrai le ciel. Demande donc. Il a embrassé la bouche du démon et il a dit : j'embrasse la bouche du fils de l'homme. Samael. Je vous le dis, l'homme a mérité tout ce que le démon lui a apporté. Et ce n'est qu'en priant. Tu es assis sur ton tronc. Nous faisons des sacrifices en son nom pendant des générations et des générations. Pourra espérer et son pardon pour la chauve-souris se porte vers toi. Car une fois que l'homme a festoyé du fruit pourri du s'assied. Le démon a m'embrasseras-tu, jeune Samael, pour me donner l'énergie d'échapper à ce monde condamné? Donne-moi un baiser et ta sève se mêlera à la mienne. Ensemble, nous gagnerons les nuées. Percerons le plafond de ce monde condamné et nous rejoindrons les terres fertiles où tu pourras planter ta graine. Ici, les terres sont viciées. Juste un baiser. Par son aile. Prends ma patte. reconnaîtra mes griffes. Il vient chercher de sa patte ta main. Nous sommes amis, petite voleuse. Libère-nous, petite voleuse. Alors nous pouvons nous faire un bisou de garçon, de copain. S'opposer à quiconque. Je suis sans aucun dieu, sans aucun tribun, sans aucun César, ni même un maître. Je ne veux si mon bien. Un seul. La vie elle-même, car tu refuses de mourir. Je ne refuse pas de mourir. Vois-tu, pourtant je lutte, tu refuses de te laisser mourir là. Ouais. Je me laisse pleurer en observant là mes dernières minutes. En quoi lutte? En quoi est-ce une lutte? Il n'y a là aucune lutte. Si, tu viens de te trahir toi-même, mon ami. Non. Profitez des derniers instants. Ça sous-entend que la vie... Non. Alors que tu vitupères contre toi-même et contre ce monde inepte qui ne t'autorise pas ta liberté, qui ne t'autorise pas à te déprendre de tout ce qui t'a attaché au vaisseau Velasquez, tu te sens pousser des ailes et tu rejoins bientôt... à l'aide de tes vigoureuses ailes duveteuses, le ciel plombé où s'éloignent tes amis et Samael.